عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نواصل دراستنا في قواعد المثلة، سائلين الله عز وجل أن ينفعنا بهذا العلم وأن يوفقنا لكل ما يحبه ويرضى. وبعد. Donc on va reprendre inshallah sans plus attendre sur l'étude de القواعد المثلى. On s'est arrêté lorsque l'auteur mentionne وأما اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله فله ثلاث حالات. Ensuite l'auteur nous dit, on est toujours sur l'étude de la règle 4 concernant les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui désignent aussi bien son être et ses attributs, que ce soit par correspondance, par inclusion ou par implication. Que ce soit par correspondance, par inclusion ou par implication. Donc dans ce chapitre, on est en train d'apprendre, l'auteur nous enseigne que les noms sublimes d'Allah, subhanahu wa ta'ala, désignent aussi bien dhat, l'être d'Allah azza wa jal, son être, aussi bien ses attributs. Donc les noms d'Allah azza wa jal désignent son être et ses attributs. Que ce soit d'une indication par correspondance qu'on appelle al-mutabaqa, ou bien par inclusion, al-tadammun, ou bien par implication, l'iltizam, bil-iltizam, ou bien par implication. Ensuite l'auteur nous dit وأما اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله. En ce qui concerne maintenant, on est toujours sur l'étude maintenant de ce qu'on appelle l'implicite ou les implications. Alors l'auteur nous dit, en ce qui concerne اللازم, les indications implicites ou bien impliquées concernant les propos d'une autre personne, d'un autre qu'Allah et de son messager, il existe trois catégories, ou trois cas. Il dit il existe trois cas. Vous en souvenez, dans la dernière assise, on avait terminé avec cela. Donc en ce qui concerne les implications, les signifiés implicites, si vous voulez aussi dans un autre terme, concernant les propos d'un autre qu'Allah et son messager, il y a trois cas. Il y a trois cas. Donc comme on s'est arrêté dans la dernière assise, on parle de l'implicite, des implications d'une parole. Ce qu'implique une parole. قال الأولى أن يذكر للقائل ويلتزم به مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها يلزم من إثباتك الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث فيقول المثبت نعم وأنا ألتزم بذلك فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد. Alors le premier cas c'est lorsqu'une personne, on lui évoque le fait, on lui mentionne le fait que sa parole implique telle et telle chose. Et lui, il est d'accord. Il dit naam. Il n'a pas d'objection. Il est d'accord que sa parole implique telle et telle chose. Comme le dit le Shir, ce qui est impliqué dans la parole doit être mentionné à celui qui l'énonce. Ce dernier doit dès lors l'observer. rigoureusement. C'est-à-dire que une fois que la personne, on lui dit que par rapport à telle parole qu'il a dite, et lui, on lui fait savoir que sa parole implique telle et telle chose, et lui, il est d'accord, et ensuite, il se conforme à cela. Il se conforme à cela. Mithal ou il dit par exemple, celui qui affirme les attributs d'Allah Azzawajal. À la tariqati salaf. Celui qui, par exemple, lui, comme le faisaient nos pieux prédécesseurs, il affirme les attributs d'Allah. Il croit aux attributs d'Allah Azzawajal. Il sait que Allah Azzawajal détient, par exemple, l'attribut de la miséricorde. Parce que Huwa Ar-Rahman, parce qu'il est miséricordieux. Il détient l'attribut de As-Sama, parce que Huwa As-Sami'a. Il détient l'attribut de l'Izza, parce que Huwa Al-Aziz. Donc lui, il croit en cela. Un mu'attil, une personne qui nie les attributs d'Allah, ce qu'on nomme les négateurs, un négateur vient et lui dit: Yelzem min ithbatika sifat al-fi'liyati lillahi azza wa jal. Ça implique, et un négateur lui dit: si tu affirmes les attributs d'action, par exemple, donc là il sous-entend bien les attributs d'action, puisqu'il y a des attributs qu'on appelle sifat dhatiya ou sifat al-fi'liya. Il y a des attributs qu'on appelle les attributs d'essence et des attributs d'action. Et des attributs d'action. Là, l'auteur va citer l'exemple d'attributs liés à l'action. Ithbatika sifat al-fi'liyati lillahi. An yakuna min af'alihi. Alors le négateur lui dit: si toi tu affirmes les attributs d'action du Créateur, alors il lui dit: ça implique, ton affirmation implique donc nécessairement qu'il y ait parmi ces actes ce qui est nouvellement apparu, ce qu'on appelle hadith, ce qui est nouvellement apparu. Vous savez, un attribut d'action, le fait de parler, lorsqu'on parle, c'est quelque chose qui apparaît maintenant. Ça survient au moment. Donc c'est quelque chose qui est nouvellement apparu. Qui est nouvellement apparu. Donc il est hadith. Il se produit. Alors, celui qui nie l'attribut dit à celui qui affirme: alors si toi tu affirmes les attributs d'action, tu affirmes donc nécessairement, ça implique qu'il y ait parmi les actes du Créateur ce qui est nouvellement apparu. Hadith. Ça implique ça. Et celui qui affirme, qu'est-ce qu'il répond naturellement? Elle répond: Naam. Oui. Ça implique cela. Regardez. Il dit: Fayaqul al-muthbit, Naam. Wa ana altazimu bidhalik. Il dit: Oui. Et je me conforme à cela. Altazim. Ici, altazim, ils voulons traduire par et je l'observe rigoureusement. C'est pour cette partie-là, je l'observe rigoureusement. C'est la traduction wa el tazimu bidalik, c'est-à-dire wa multazim. Il observe rigoureusement, il se conforme à cela. Il adopte cela. Pourquoi? Lian Allah ta'ala lam yazal wa la yazal fa'alan lima yurid. Pourquoi? Parce qu'il dit: bien sûr, j'observe cela, car Allah subhanahu wa ta'ala a toujours été et sera toujours celui qui fait sans cesse ce qu'il veut. Ses paroles et ses actes ne peuvent s'épuiser conformément à sa parole. Allah parle quand il le veut. Allah, lorsqu'il veut parler, il parle. Matasha bimasha. De ce qu'il veut, quand il le veut. Quand il le veut. Donc là, cette implication, est-ce qu'on peut par exemple l'attribuer à la personne? L'application, on peut lui attribuer. Pourquoi? Parce que lui, il se conforme. On lui dit ce que tu dis. Si tu dis cela, ça implique telle et telle chose. Et lui, il dit naam. Ça, c'est le premier cas. S'il dit naam, ou yeltazim bihada, ça veut dire on peut lui attribuer cette implication qui est indiquée à travers ses propos. Vous comprenez? Si quelqu'un n'a pas compris, il peut me le dire. Il n'y a pas de souci, inshallah. Ensuite, qala fala nafada li aqwalihi wa af'ali. Et donc, les actes ou les paroles d'Allah ne s'épuisent pas. N'ont pas de fin. Ne s'épuisent pas. Allah Azza wa Jal dit dans un verset, قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. Et dans le verset, Allah Azza wa Jalla, traduction relative du sens du verset, dit « Si la mer était de l'encre pour la parole de mon Seigneur, la mer se serait tarie avant que ne tarisse la parole de mon Seigneur. » C'est-à-dire la mer se serait épuisée avant que ne s'épuise la parole du Seigneur subhanahu wa ta'ala, même si l'on apporte son équivalent en encre. Même si on apporte son équivalent en encre. Sa traduction du verset 109 de la sourate Al-Kahf, la caverne. Et dans le verset suivant, Shir mentionne un autre verset. Le verset 27 de la sourate Luqman. Lorsqu'Allah dit وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Dans cet autre verset, Allah dit وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ. Allah dit, dans une traduction approchée du sens de ce verset, même s'il y avait autant d'arbres, imaginez-vous, sur terre, que de qalam, aqlam, pluriel de qalam, que de plumes pour écrire, même s'il y avait, walaw annama fil ardi min shajaratin aqlamun, même s'il y avait autant d'arbres sur terre que de qalam, le pluriel aqlam, et que la mer, et ses sept mers après elle, fournissent l'encre, les paroles d'Allah ne serait pas épuisé. Et Allah est certes puissant et sage. Traduction approchée du verset. Alors que wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur. Ma nafidat kalimatullah. La parole d'Allah ne s'épuiserait point. Même si les mers, dans le verset il est dit, même si la mer est sept mers après elle. Et à la mer, on rajoute sept mers encore. Après elles, qui fournissent de l'encre, les paroles d'Allah ne seraient pas épuisées. Et la plume serait tous les arbres sur terre. Comme dit Allah Azza wa Jalla, même s'il y a, il y avait autant d'arbres sur terre que de qalam, et que la mer et sept mers après elles fournissent de l'encre, les paroles d'Allah ne seraient pas épuisées. Allah est certes puissant et sage. Donc, l'apparition d'un de ces actes n'implique absolument aucune forme d'imperfection en ce qui le concerne. Donc le fait que Allah Azza wa Jalla, l'apparition de ses actes, de sa fa'al, n'implique aucune imperfection au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa huduthu ahad fi'lihi ta'ala la yastalzimu naqsan fi haqqihi. L'auteur, lui, dans le commentaire, il va, mashallah, expliquer les versets. Les versets que je viens de citer, il va aller les expliquer. On va passer ce passage. Et par contre, il va poser une question très pertinente. Lorsqu'il mentionne le dernier verset qu'on vient de citer, il dit « Law jumi'at ashjar dunya kulliha wa ju'ilat aqlaman » Regardez, il dit, ça veut dire que si tous les arbres sur terre étaient réunis, rassemblés, « wa ju'ilat aqlaman » et qu'elles étaient transformées, par exemple, en plumes, elles seraient, tous ces arbres sur terre seraient des plumes. Wa utiya bil bahr. Ensuite, on ramène la mer. Wa yamuddu sab'atu abhur. Avec sept autres mers. Wa kutibat biha kalimatullah ma nafidat. Et qu'ensuite, avec tous ces arbres sur terre, qui font office de plume, et la mer plus sept mers qui font office d'encre, et qu'on écrit les paroles du Créateur avec cela, ما نفدت كلمات الله. Les paroles d'Allah ne s'épuiseraient point. Il dit, lorsqu'il cite cela, il dit en ce qui concerne les paroles d'Allah, هل المراد بالكلمات هنا الكلمات الكونية أو الكلمات الشرعية؟ الجواب المراد بها الكلمات الكونية والكلمات الشرعية داخلة في هذا لأن الكلمات الشرعية بالنسبة لكلام الله تعالى بها لها حد القرآن 30 جزءا والتوراة ألواح وهكذا إن الله عزيز حكيم عزيز أي ذو عزة والعزة الغلبة والسلطة وحكيم ذو حكمة الحكمة أن يوضع الشيء موضعه فلا يقال ليته في غير هذا المكان وكذلك الحكيم من الحكم فهو عز وجل له الحكم المقرون بالحكمة ولهذا يجب عليك أن تؤمن بأن كل ما حدث في الكون من مكروه أو محبوب فإنه صادر من حكمة أو عن حكمة وحينئذ لا يمكن أن تعترض عليه فالحروب التي تقع بين المسلمين وأعدائهم والمخاوف التي تقع في البلاد وجذب الأرض وقحط السماء كله مكروه ولكن يجب أن تعتقد أنه لحكمة إلى آخر الكلام وهذه فائدة نفيسة ثم قال Donc ça, c'était pour Al-Hal al-Awwal. Al-Hal al-Thaniya. La deuxième, maintenant, catégorie. Donc là, on est toujours dans la catégorie des paroles, des propos de personnes en dehors d'Allah et de son messager. En dehors d'Allah et de son messager. À quel moment on leur attribue ces implications ? Déjà, vous comprenez la question que l'auteur est en train de citer. Et il cite trois catégories. Là, je vous ai cité un passage en arabe, c'était sur la parole d'Allah qui est écrite. L'auteur avait posé la question, est-ce que c'est les paroles Al-Kalimat al-Sharia ou Al-Kawniya ? Est-ce que c'est les paroles qu'on traduit par universelles ou bien par religieuses ? Mais ensuite, je me suis dit, on ne va pas rentrer dans ce sujet. Je l'ai lu en arabe, une Bab al-Faïda, pour les arabophones. Mais si on commence à rentrer dans le sujet Al-Kalimat al-Sharia ou Al-Kawniya, alors qu'on est dans le sujet de Dalalat al-Iltizam, Mumkin qad yahsul al-Tashwish. Peut-être ça peut nous perturber. Donc on va rester sur Dalalat al-Iltizam. Ensuite, peut-être on reviendra, Inch'Allah, sur Hadhihi al-Fa'ida. Regardez ce qu'il dit. Vous avez compris ? L'auteur nous parle qu'il y a une grande faïda de savoir que, à travers la lecture de versets ou de hadiths, on peut déduire des questions. Lorsque on arrive à mettre en lumière les indications, surtout les indications par implication. Par exemple, le verset indique telle et telle chose. Indique telle et telle chose. C'est par implication. Jusque-là, vous comprenez. Comme on avait donné l'exemple pour le jeûne. Donc là, c'est compris. Vous comprenez. Là, l'auteur, il nous parle concernant des propos qui nous indiquent des signifiés impliqués. Des indications d'implication, comme on a dit, c'est-à-dire les propos de telle personne impliquent telle et telle chose, mais les propos en dehors de celui d'Allah Azzawajal et de son messager, pour les ceux en dehors d'Allah, pour ses créatures par exemple. Là, il dit pour les créatures, pour les hommes, lorsqu'ils parlent, ensuite, leurs paroles indiquent, impliquent telle et telle chose, il y a trois catégories pour leur attribuer ces implications. Trois catégories. La première situation, le premier cas, il dit, si la personne a dit une parole, on lui dit, tu sais, dans ce que tu dis, ça implique donc telle et telle chose. Et il dit, na'am. Thumma yaltazim bihada. Donc là, on peut lui attribuer l'implication. Là, vous comprenez ? Bah, c'est clair. Est-ce que je peux interroger l'un d'entre vous pour savoir qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'il peut me dire ? Qu'est-ce que ça veut dire, cette première situation ? Là, ce premier cas, c'est quoi? On peut lui attribuer. Voilà. Par exemple, vous dites une parole. Donc là, en ce qui concerne la parole d'Allah et de son messager, on a compris. On l'a expliqué. Il faut que l'implication soit authentique. Si l'application, elle est authentique, on a dit elle est vérité. Parce que tout ce qu'implique nos sources, les textes à parole d'Allah et de son messager sont vérité. Par contre, si elle est fausse, elle n'est pas vérité. Par exemple, si une personne dit, donc affirmer les attributs d'Allah, ça implique la comparaison. Est-ce que cette implication est vraie? Elle est fausse. Affirmer les attributs d'Allah, ça implique pas forcément la comparaison avec Teshbih. Non, donc cette implication, elle est fausse. Par contre, si nous on dit à l'innovateur, réfuter le fait de nier les attributs d'Allah, ça implique affirmer l'imperfection. Est-ce que cette implication, elle est vraie? Si on affirme les attributs d'Allah, on affirme la perfection en réalité. Si on veut affirmer la perfection pour Allah Azzawajal, il faut croire en ses noms, il faut affirmer ses attributs. Et comme on le verra, il faut nier les attributs de négation. Parce qu'il y a des attributs qui sont des attributs de négation. On le verra dans un chapitre. Donc, affirmer les attributs d'Allah, ça implique affirmer la perfection d'Allah Azzawajal. Par contre, celui qui nie les attributs d'Allah, ça implique quoi? Affirmer l'imperfection. Comme par exemple, celui qui nie Sifat al-Kalam, l'attribut de la parole, en disant que le Créateur ne parle pas. Alors, ça implique qu'il affirme l'imperfection en réalité. Vous comprenez les implications qu'il y a? Donc, par exemple, on avait dit à titre d'exemple, l'auteur a dit, celui qui innove dans la religion rapporte une nouvelle adoration que le prophète n'a pas enseignée. Ça implique qu'il veut rajouter dans la religion. Même si lui ne le dit pas, mais c'est ce que ça implique. Et ça implique qu'il rapporte quelque chose que le prophète n'a pas fait, donc, pour lui, le prophète a dissimulé cette chose. Vous avez vu, ce sont des implications. Ce n'est pas dit, mais ça implique. Ça implique la chose. Taïb. Ça, c'est en ce qui concerne la parole d'Allah et de son messager. Maintenant, là, ce qu'on est en train d'expliquer, c'est en dehors de la parole d'Allah et de son messager maintenant. Maintenant, il parle de la parole d'un autre qu'Allah et de son messager. Par exemple, un individu. Un individu, par exemple, il dit il y a trois cas. Premier cas, il dit une parole qui implique telle chose. Avant de lui attribuer l'implication, on lui fait savoir, ta parole implique telle chose. Et lui, il dit, Aynaram, Waltazim bihada. Donc on lui attribue l'implication. On lui attribue. Comme toi, par exemple, si une personne te dit, donc toi, tu affirmes les attributs d'Allah? Qu'est-ce que tu réponds? T'es sûr? Oui. Donc, ça implique que tu affirmes l'attribut de la parole. Oui, toi par exemple. Oui, toi par exemple, une personne te dit, est-ce que toi tu affirmes les attributs d'Allah? Oui, mais s'il te pose la question, est-ce que toi tu affirmes? Attendez. Non, non. Peut-être qu'il a compris, hein. Mais toi, si, par exemple, une personne, il veut apprendre, il veut apprendre, il te pose la question, est-ce qu'il faut affirmer les attributs d'Allah? Et toi, est-ce que tu affirmes? Non, non, est-ce que tu affirmes? Al-ithbat, est-ce que tu affirmes les attributs d'Allah? Voilà. Donc la personne te dit, donc ça implique que tu affirmes l'attribut de la parole. Donc si tu dis oui, on peut t'attribuer cette implication. Ben oui, puisqu'on parle la parole de à un autre qu'Allah, Azzawajal. Non, mais c'est toi qui affirmes. Regarde, alors on va poser la question hein, à Abdennour. Abdennour, est-ce que toi tu affirmes les attributs d'Allah? Naam. Donc une personne te dit, est-ce, donc tu affirmes l'istiwa? Tu affirmes qu'Allah s'est établi au-dessus de ton trône. Ça implique ça. Tu dis naam. Donc à partir de ce moment-là, on peut affirmer l'application à Abdennour. Sa parole implique qu'il affirme sifat al-istiwa ou sifat al-kalam. Vous comprenez? Ça, donc, la personne, lorsqu'elle approuve, c'est ça ce qu'il nous explique dans le premier cas, la personne, lorsqu'elle approuve, on peut lui attribuer l'implication. On peut lui attribuer l'implication. Al-Halthania, regardez ce qu'il dit dans le deuxième cas. Regarde dans le deuxième cas, tu vois, ça va bien te faire comprendre avec le deuxième cas. An yudhkara lah wa yamna' at-talazuma baynahu wa bayna qawli. مثل أن يقول النافي للصفات لمن يثبتها يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته فيقول المثبت لا لا يلزم ذلك لأن صفات الخالق مضافة إلي ولم تذكر مطلقا حتى يمكن ما ألزمت به وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به كما أنك أيها النافي للصفات تثبت لله تعالى ذاتا وتمنع أن يكون مشابها للخلق في ذاته فأي فرق بين الذات والصفات؟ Dans le deuxième cas, là la personne, il a un propos, une parole, ويذكر له, par contre lui, يَمْنَعْ التَّلَازُمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِهِ. Lui, par contre, il réfute. Il n'est pas d'accord avec l'application. On lui dit, ta parole implique cela. Et lui, il n'est pas d'accord. Il dit non. Il dit, exemple à cela. Par exemple, une personne qui affirme les attributs d'Allah. Il affirme les attributs d'Allah. Le négateur vient à lui et lui dit, يَلْزَمُ مِنْ إِثْبَاتِكَ. Donc, ton affirmation des attributs d'Allah implique que tu compares, que mushabihan li khalqi fi sifati, qu'il y a de la comparaison, que tu compares le créateur à ses créatures. Là, celui qui affirme les attributs, il va dire non. Il dit là. Là, il va dire non, ma parole n'implique pas cela. Il va dire, ma parole n'implique pas que si j'affirme les attributs d'Allah, qu'il y ait de la comparaison entre les créateurs et de la créature. Regardez le deuxième cas. On rappelle à une personne les implications des paroles qu'elle énonce, mais elle rejette de telles implications. Ainsi, par exemple, quand celui qui nie les attributs d'Allah dit à celui qui les affirme, le fait que tu confirmes les attributs implique une ressemblance entre Allah et sa créature. Celui qui affirme les attributs répond, l'affirmation n'implique pas cela car les attributs d'Allah lui sont annexés et ne sont pas mentionnés dans l'absolu, jusqu'à rendre possible ce que tout sous-entendu. De ce fait, ils sont spécifiques et propres à Allah. De même, toi qui nie les attributs, tu reconnais Allah Azza wa Jal en tant qu'être, en réfutant toute ressemblance entre Allah et ses créatures, en ce qui concerne son être. Or, quelle différence y a-t-il entre l'être d'Allah et ses attributs? De même que l'aisance d'Allah, that, diffère de celle de ses créatures. De même, ses attributs se distingue de ceux de ses créatures. Le jugement de la signification implicite est dans les deux cas précédents évident. Précédent évident. Donc là, vous comprenez, dans ce deuxième cas, la personne profère une parole, on lui dit ta parole implique telle et telle chose. Et lui dit non. Là, il n'est pas d'accord. On ne peut pas lui attribuer l'implication. On ne peut pas lui attribuer l'implication. Ça, c'est très important, vous savez pourquoi? Parce que dans n'importe quel débat, si vous débattez avec des négateurs des sifat, le débat il va être axé sur les implications. Aussi bien vous allez dire à la personne qui est face à vous, ta parole implique telle et telle chose. Et lui il va vous dire, non, toi ta parole implique telle et telle chose. Si vous n'avez pas étudié de la date d'Al-Tizam, alors vous risquez d'être perturbé face à un négateur des attributs. Parce que lorsque tu vas lui affirmer les attributs d'Allah Azzawajal, il va te dire, ton affirmation des attributs, ça implique yalzam min kalamik at-tashbih. Ça implique que tu compares le créateur à la créature. Mais toi, du fait que tu connais les implications, là, tu dis, tu ne peux pas m'attribuer l'implication. Puisque moi, je réfute l'implication. Premièrement, l'application que je fais, et elle est fausse. Et là, ensuite, tu argumentes en enseignant que l'implication est fausse. Le fait d'attribuer et d'affirmer les attributs d'Allah, ça ne sous-entend pas, ça n'implique pas at-tashbih. Ça, c'est le deuxième cas. Qala, wa hadi min al-lawazim, regardez fi sharh, qu'est-ce qu'il dit, shir. Wa hadi min al-lawazim al-batila, allati yulzimuha ahl al-bid'a li ahl al-sunnah. إذا ذكر اللازم للقائل ونفى أن يكون لازما فإنه لا يلزم به إذا كان لا يلتزمه عقلا أما إذا كان يلتزمه عقلا فلابد أن يلزم به وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. Regardez ce qu'il dit. Il dit donc ça c'est la wazim, ces implications là, c'est des implications qu'imputent les innovateurs aux gens de la sunna. Votre affirmation des attributs d'Allah, ça sous-entend de l'anthropomorphisme, la comparaison, at-tashbih. Il dit ça, les gens de l'innovation imputent cela aux gens de la sunna. Et donc, وَإِذَا ذُكِرَ اللَّازِمُ لِلْقَائِلِ وَنَفَا أَنْ يَكُونَ لَازِمًا فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ بِهِ إِذَا كَانَ لَا يَلْتَزِمُهُ عَقْلًا. Et donc, si on t'impute une implication que toi, tu n'acceptes pas, que tu réfutes, et en plus tu clarifies le fait que cette implication est fausse, alors cette implication ne peut pas être vraie. Cette implication n'est pas vraie. تعالى مشابها للخلق في صفاته وهذا هو الذي ألزم به أهل التعطيل أهل الإثبات وقالوا إنكم إذا أثبتتم لله صفة فقد شبهتم الله بخلقه ولهذا يسمي أهل التعطيل أهل الإثبات مشبهة مجسمة وهل يلزم هذا؟ لا. ثم قال المصنف وحكم اللازم في هاتين الحالين ظاهر. الحال الثالثة. Il dit maintenant la troisième, le troisième cas. أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالالتزام ولا مانع. فلا يذكر بالالتزام ولا مانع. فحكمه في هذه الحال ألا ينسب إلى القائل. إلى القائل. لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه أو بطلانه أن يرجع عن قوله لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول. Et regardez maintenant dans la troisième situation. La troisième situation est dit, ce qui est impliqué par les paroles d'une personne est passé sous silence. Est passé sous silence. C'est-à-dire, les paroles une personne parle, c'est les implications de ces paroles sont passées sous silence. Et on ne mentionne ni et on ne mentionne ni on interdit les implications de ses propos. C'est-à-dire, ni on mentionne les implications de ses paroles, ni on les interdit, les implications de ces paroles. Dans ce cas, dans ce cas-là, ces implications ne peuvent être attribuées au locuteur, c'est-à-dire à celui qui a parlé. Regardez, dans le premier cas, les implications, elles sont soumises au locuteur, à celui qui a parlé. Et là, il dit oui, elle tazime. Je me conforme à ça. Donc là, on peut attribuer les propos à celui qui a parlé. Dans le deuxième cas, non. Il n'est pas d'accord l'implication qu'on lui impute. Donc dans ce cas-là, on ne lui impute pas. Dans le troisième cas, les implications de la parole d'une personne, par exemple, sont mises au silence. Ni on interdit qu'il y ait des implications, ni on lui dit que sa parole implique telle et telle chose. Ils sont mis en silence. Donc ni on ne lui a pas soumis, ni on lui a dit ta parole implique telle chose, ni on a interdit que ça implique telle chose. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que la parole lui est attribuée ? L'implication plutôt. Est-ce que l'implication lui est attribuée ? Le cheikh dit, dans ce cas, ces implications ne peuvent être attribuées au locuteur, à celui qui a parlé, car il est probable, si on vient à lui rappeler, qu'il les confirme ou bien qu'il les rejette. Qu'il les confirme ou bien qu'il les rejette. Il est également probable, si on lui rappelle et qu'il se rend compte de leur caducité, c'est-à-dire qu'elles sont non avenues, qu'elles sont nulles, qu'il désavoue ses paroles. Parce que l'altération du sens implicite prouve l'altération de l'origine du sens implicite, c'est-à-dire le discours implicite. Attendu ces deux probabilités, il est impossible de dire que l'implicite d'une parole constitue en soi une parole. Donc dans ce cas-là, on ne peut pas confirmer que l'implicite de la parole est elle-même une parole. Est elle-même une parole. Regardez ce qu'il dit. وَلِوَرُودِ هَذَيْنَ الْإِحْتِمَالَيْنَ لَا يُمْكِنُ الْحُكْمُ بِأَنَّ لَازِمَ الْقَوْلُ قَوْلٌ بِأَنَّ لَازِمَ الْقَوْلُ قَوْلٌ. Et donc, par rapport à ces deux suppositions, on ne peut pas dire que l'implication, c'est-à-dire l'implicite, hein, l'implication, ce qui implique, hein, ce qu'elle implique, cette parole, est considérée comme la parole. Littéralement. ثم قال فإن قيل إذا كان هذا اللازم لازما من قوله لازم أن يكون قولا له. Pourquoi il dit si on peut pas confirmer l'implication, alors cette implication n'est pas parole, n'est pas considérée comme parole. Pourquoi? Parce que là le cheikh nous enseigne pourquoi l'auteur nous parle de ça. C'est très important. Parce que si l'implication, elle est confirmée, elle est avérée et approuvée par le locuteur, elle est considérée comme sa parole. Elle est considérée comme parole. Donc l'implication est considérée. C'est-à-dire, la personne parle, sa parole implique telle et telle chose. Si l'implicite, c'est-à-dire l'impliquer, ce que ça implique, est prouvé, est considéré, alors celui-ci est considéré comme parole. C'est considéré sa parole. Vous comprenez l'importance de cela? Non. Non, d'une manière générale, regardez ce qu'il va dire. فَإِنْ قِيلَ إِذَا كَانَ هَذَا اللَّازِمُ لَازِمًا مِنْ قَوْلِ لَازِمَ أَنْ يَكُونَ قَوْلًا لَهُ لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْأَصْلِ وَلَا سِيَمَا مَعَ قُرْبَ التَّلَازُمُ. C'est-à-dire, lui, sa parole, lorsqu'il parle, et on lui dit, ta parole implique cela. Donc, de là, cette implication devient sa parole. Je donne un exemple tout clair. Vous dites, une personne, un croyant, un musulman, dit, La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ça implique qu'il croit en l'unicité d'Allah. Ça implique qu'il croit en l'uluhiyya ou al-rububiyya. Si alors la personne qui dit « La ilaha illallah », on lui dit « Ça implique que tu crois en l'unicité d'Allah. » Pourquoi ? Parce que c'est la parole de l'unicité, « Kalimat al-tawhid ». Et il dit « Naam ». Donc cette implication devient « Qawl », devient sa parole. Donc, cette implication, on peut lui attribuer ou pas? Par exemple, La ilaha illallah. Nul ilah si ce n'est Allah. El ilah sous-entend Ar-Rububiyya. Mais le terme Rububiyya, il n'est pas cité là. Il n'est pas cité. Mais ça indique. Ça indique Ar-Rububiyya. Ça sous-entend. Ça sous-entend que nul ilah, si ce n'est Allah. S'il y a nul ilah, si ce n'est Allah, ça sous-entend que Allah wa Rabb wa Al-Khaliq. Et si Allah il est Rabb wa Al-Khaliq, yastalzim, ça implique donc quoi ? Qu'il doit être adoré seul. Donc la personne qui dit La ilaha illallah, une personne par exemple vient se convertir. On lui dit tu dois shahad que an la ilaha illallah. Il dit La ilaha illallah. On va lui dire ça implique que tu n'adores que lui. S'il dit oui, ça devient une parole. C'est l'implicite, parce que c'est pas cité, que tu n'adores que lui. Mais ça implique. S'il dit oui, alors la parole lui est attribuée. Si maintenant il dit, ah non, je dis la ilallah, mais a'budullah wa a'bud asnaman ou awthanan wa ghayrallah. Et il dit non. Donc ça veut dire il réfute l'implication. Il réfute l'implication. Que la ilallah, ça implique que tu n'adores qu'Allah azza wa jal. Et lui, par exemple, il dit, ah non, mal tazim anabi hadha lazim. Il dit, non, moi, je me conforme pas à cette implication. Donc là, on lui attribue pas. On lui attribue pas. Là, je pense que, là, vous avez compris ce qu'on appelle l'iltizam, l'implication. C'est-à-dire, on dit une parole, c'est pas forcément apparent, mais ça implique. Ça implique. Une personne, par exemple, j'allais dire un autre exemple, non, on va aller plus loin. Mais qu'aul la ilaha illallah, ça implique qu'il n'adore qu'Allah azza wa jalla. Donc il dit ashhadu an la ilaha illallah. Il n'a pas dit ashhadu bi anni la a'bud ghayrallah. Il n'a pas dit directement, clairement. Mais quand il dit ashhadu an la ilaha illallah, yalzam min qawli أنه يصرف العبادة لله وحده لا شريك له. هذا لازم. صح ولا لا؟ C'est un لازم. Donc c'est ça un لازم. C'est ça une implication. Et si vous voulez, là on apprend tout simplement que les paroles ont des implications. Et de ce fait, en ce qui concerne le Coran et la Sunna du prophète, ensemble, c'est comme ça les savants, ils ont réussi à élucider de nombreuses questions. C'est pour ça, des fois, vous posez des questions à des ulama. Yashir, hal yajuz kada. Le shir, il te dit, adala yajuz. Ensuite, il te cite, par exemple, la preuve. Si à ce moment-là, il est disposé, il est bien prédisposé, il veut te citer la preuve, il te cite la preuve. Mais toi, t'as pas compris. C'est quoi la relation entre la preuve et il m'a dit la yajuz. Et toi, quand t'entends le verset ou t'entends le hadith, tu comprends pas. Pourquoi ? Parce que lui, il a la science de Usul. Et parmi les Usul, par exemple, Dallawazim. Toi, à apparence, tu ne vois pas que le verset implique que ta question, la Yajuz. Mais lui, le savant, connaît la parole d'Allah et de son messager. Et lui, il sait que le verset implique telle et telle chose. Wadah al-Kalam, vous comprenez ? Ou des fois, vous posez une question, il va dire Yajuz. C'est permis. Et il va te donner la preuve que c'est permis. Toi, tu vas dire, subhanallah. Je vous donne un exemple tout simple. Un exemple tout simple. Par exemple, c'est des istidlal, parce que là, on est mfibab et istidlal. Un exemple tout simple. Lorsque le compagnon Mu'ad, il avait prié la prière du Aïcha avec le prophète, sallam. Ensuite, il est parti vers son peuple et il dirigeait la prière. Il a re-prié sa prière. Les savants, qu'est-ce qu'ils ont déduit ? La question, il peut y avoir ikhtilaf et niya entre l'imam ou al-musalli, une divergence d'intention. De sorte que si l'imam il prie salat al-isha, tu peux rentrer par exemple, tu n'as pas fait salat al-maghrib, un exemple, et toi tu as une autre intention. Est-ce que dans le hadith c'est dit clairement ? Est-ce que le récit de Mu'ad, il dit que l'imam peut avoir une autre intention ou le fidèle peut avoir une autre intention que l'imam? C'est pas dit clairement. Mais c'est sous-entendu. C'est sous-entendu. Ça implique cela. Parce que Mourad, il a prié avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a prié l'Aïcha. Et lorsqu'il est parti diriger la prière chez son peuple, il ne peut pas prier deux fois la prière. Il a prié avec le prophète. Donc ça sous-entend qu'il y avait Ikhtilaf al-Niyya. Mais ce que dans le hadith c'est dit, Stidlal, c'est la déduction. Sauf que la règle, elle dit quoi ? L'affaire, toute l'affaire, laïsa shan kul shan antastadil. ولكن الشان كل شان ان يكون استدلالك صحيحا كما قال العلماء. L'affaire, toute l'affaire n'est pas que tu déduises. Parce que déduire, c'est rapporter des preuves. Tout le monde peut rapporter des preuves. Mais الشان كل شان ان يكون استدلالك صحيحا. Mais l'affaire, toute l'affaire, que ta déduction soit authentique. C'est ça le plus important. Que ta déduction des textes soit authentique. Vous comprenez les implications? Pourquoi pour les ulama? C'est très important. Et talabat al-ilm, pour rentrer dans le chapitre de Bab al-Asma al-Sifat, il faut comprendre que les propos fil aqaid dans la croyance ont des lawazim. Quand vous allez parler fil aqida, il y a des lawazim. Il y a des implicites, des implications. Et ces implications, pour qu'elles soient vérité, il faut qu'elles soient authentiques. Il faut qu'elles soient vraies. Mais ce n'est pas tous les lawazim qui sont forcément vrais. Par contre, si elles sont vraies, elles sont vérité. Elles sont vérité. Là, on parle des implications de maintenant la parole en dehors de la parole d'Allah et de son messager, pour les individus. Alors les individus, Cheikh nous a dit, il y a trois cas. Soit la personne, on lui dit, tu as dit telle et telle chose. Tu as dit, la ilaha illallah. Ça implique que tu n'adores qu'Allah. Il dit Naram, Al-Tazim bihada, la a'budu illallah. Est-ce qu'on lui impute? Nansib al-Qawl ilay? Naram. Hada asbaha qawlan lahu. Regardez ce qu'il dit, Shir. Fan qila idha kana hada al-lazim laziman min qawli, lazima an yakuna qawlan lahu. Lianna dhalika huwa al-asl. La siyama ma'a qurb al-talazum. Et donc, ça devient une parole à lui. Il a dit, Naram, je me conforme à cela, je n'adore qu'Allah Azzawajal. Par contre, si on lui dit, tu dis la ilaha, ça implique que tu n'adores que lui. Et il dit là, il ne se conforme pas à ça. Alors, on ne peut pas lui attribuer l'implication. Par contre, s'il dit, hey Naram, ça veut dire que la a'budu illallah Azzawajal, on lui attribue cette implication. On lui attribue cette implication. Par contre, si la personne s'est mise au silence, l'implication, elle ne lui a pas été dite. Elle ne lui a pas été soumise. On ne sait pas si il l'accepte ou bien il ne l'accepte pas. Chéri dit, dans ce cas-là, on ne peut pas lui attribuer. Pourquoi? Parce qu'il y a hypothèse que si on lui soumet l'implication de sa parole, il y a hypothèse qu'il accepte et il y a hypothèse qu'il n'accepte pas. Et donc, on ne peut pas lui attribuer cela. Vous comprenez, c'est, en réalité, c'est très très simple. Wadah al-kalam. Et s'il y a quelqu'un qui n'y a pas compris? Ah, mashallah. Tiens, là, on peut par exemple donner l'exemple. Par exemple, là, on refait, c'est le même exemple que je te donne avec tout à l'heure, j'affirme les attributs. Par exemple, si je te dis, tu dis la ilaha illallah. Par exemple, je te dis, mais ça implique que tu n'adores que Allah. Tu me dis oui. Voilà. Là, ça, on peut te l'attribuer. Cette implication-là, maintenant, devient une parole pour toi. Ça veut dire que ta parole, la ilallah, ça implique que tu n'adores que lui. Et toi, tu, taltazim bihada. Taltazim bihada. Tu te conformes rigoureusement à cela. Donc, cette implication, on peut te l'attribuer. وافق ثم قال المصنف وهذا مدفوع بأن الإنسان بشر وله حالات نفسية خارجية توجب الذهول عن اللازم فقد يغفل أو يسهو أو ينغلق فكره أو يقول القول في مضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه ونحو ذلك. Alhamdoulilah, là, avec ce que je viens de lire, on a terminé la quatrième règle. On a terminé la quatrième règle. Il nous restera juste à clarifier cette dernière parole que dit l'auteur. L'auteur conclut cette règle en disant, il conclut en disant, nous répondons à cela, il est tenu pour acquis que l'homme, de par sa nature humaine, peut se trouver dans des états d'esprit ou des situations indépendantes de lui, qui le détournent du sens nécessairement impliqué par ses propos, qui le détournent des implications de ses paroles. Il peut être inattentif, ou bien il peut être distrait, sa réflexion peut aussi être verrouillée, ou bien il peut prononcer une parole dans le contexte incommode d'une controverse, c'est-à-dire pendant un débat. Et ça, ça arrive. La personne, pendant le débat, il va dire des choses, et là, il a pas pris conscience des lawazim, des implications de ses paroles. Lors du débat. Et ça, on va bien le clarifier dans la prochaine assise. Sans réfléchir sur les sens nécessairement impliqués, et ainsi de suite. Comme cela conclut l'auteur, rahimahullahu ta'ala. Parce que juste avant, regardez, il dit, si l'on dit, si ce sens implicite découle des paroles d'une personne, il participe nécessairement de ses dires. C'est-à-dire qu'on peut lui attribuer. Car c'est cela le principe, surtout avec la proximité de l'implication. Voilà en ce qui concerne la quatrième règle. Et donc, dans la prochaine assise, malheureusement, ce ne sera pas l'assise de demain, mais Inch'Allah, si Allah le veut, après-demain. Malheureusement, demain, on ne pourra pas faire le cours, Inch'Allah, mais après-demain, Inch'Allah. C'est-à-dire, Yom al-Jumu'ah. Inch'Allah, si Allah le décrète et le veut. Donc, on terminera la quatrième règle pour commencer la cinquième règle.